Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu qui va parler encore du jeu sous toutes ses formes. Jeu de rôle, quelle forme exactement? Ah, justement, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Ça, si tu as un plan, Flavie va le détruire. C'est prévu. Comme vous voyez, nous avons deux invités cette semaine très turbulents. En tout cas, j'aime quand on dit qu'on est turbulent. Tu pouvais pas mieux nous présenter. Donc voilà, vous les avez peut-être reconnus si vous écoutez le podcast de la cellule, puisqu'il s'agit de Romaric et Flavie. Coucou. Donc comment vous présenter? Podcaster, game designer, duo de choc, je ne sais. Duo de choc. Ouais, duo de choc. Ouais, duo de choc. Miami Vice, tout ça, ça me convient parfaitement. Moi, je veux être croquette. Okay. C'est tant vrai que c'est pas Caradoc et Perceval, ça va. Non, c'est pas trop le genre. T'as pas vu comment je suis sapée, attends, c'est bon. Ah mais ça, c'est à l'auditeur de... Il faut quand même Miami Vice, là. Je dis des bêtises, hein, je suis désolée. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de transmission, mais une transmission un peu particulière, puisque non seulement vous faites du podcast, du jeu de rôle et bien d'autres choses dans la vie, mais en plus, vous êtes aussi parents. Oui. Voilà, c'est les choses qui arrivent, parfois consciemment. Je m'occupe d'enfants aussi. Et en plus, voilà, et en plus, ça fait partie de ton métier. Et je suis au CNRS. Et je suis au CNRS. Ça. Ça va les chevilles Ah, hippocaine. On dit juste de la merde. Hein. Fallait pas nous inviter. Je suis désolée, il y a la semaine qui est passée. Et donc, oui, c'est vendredi. Donc, vous êtes parents, et on va parler justement de transmission parents-enfants, puisque ça semble être quelque chose quand même à penser aussi. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à ses enfants, que ce soit en termes de jeu, de philosophie, de comment on approche le jeu, etc. Et je vais laisser mon camarade qui va co-animer avec moi. Qui Adrien a la voix enrouée, hein, on l'entend, voilà. Et il n'est pas en bonne forme. C'est ça, on dit coucou pour Corentin. Salut Corentin. Bonjour à tous. Adrien me laisse poser les premières questions parce qu'effectivement sa voix commence à nous quitter. Là, c'est vous voyez pas, mais il s'est évanoui. plus sérieusement, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que comment votre temps de jeu il change en tant que parent? Est-ce qu'on joue toujours autant quand on est parent? On peut jouer toujours autant, mais il est coupé. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas... Je vais parler pour moi en première, mais je pense que tu me rejoindras. C'est-à-dire qu'avant, nous, on pouvait jouer des jours entiers, tu vois. Genre, tu commençais, on se réunissait le matin à 10h, et puis tu finissais, il était 4h du matin. Bon, ça, c'est plus possible. T'as les temps de sieste. En fait, c'est des temps qui sont coupés. Et puis, il y a aussi le fait que, dans le même temps, généralement, t'as le boulot qui devient un peu plus prégnant, etc. Donc, t'as aussi un peu de fatigue qui arrive, soyons honnêtes. Hein. C'est pas seulement les enfants. Les enfants, souvent, ils ont le dos large. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des temps de repos, en fait. Tu peux pas jouer aussi longtemps sans avoir la fatigue, en fait. Moi, quand j'étais étudiante, ça posait pas de problème. Je pouvais me reposer le lendemain jusqu'à pas d'heure. Là, le lendemain, je vais aller au boulot, en fait. Donc, avoir des temps de 2 heures, 3 heures, et ensuite, tu fais une pause. Et puis, quand les loulous sont là, soit tu trouves des jeux où tu peux jouer avec les loulous, soit c'est des jeux avec qui contiennent des choses qu'ils ne doivent pas entendre. Donc là, tu fais une pause, et puis tu attends qu'ils dorment, et puis là, tu reprends la soirée, quoi. Alors, clairement, moi, j'ai perdu du temps de jeu. Ça, c'est sûr et certain, mais c'est peut-être un cas particulier. C'est parce que d'abord, c'est toujours mon métier. Pour autant, je pense pas avoir perdu énormément de temps de jeu non plus, parce que justement, c'est mon métier. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la cellule, qu'on doive aménager des temps de jeu de parties pour justement évaluer, faire des one shots, même organiser tout simplement des rencontres pour discuter de jeux de rôle, le fait qu'on soit toujours dans le feu de l'actu du JDR et que mon métier ce soit justement de développer des jeux de rôle. Du coup, j'ai besoin de temps de playtest et compagnie. Et donc, du coup, je peux faire passer ça auprès de ma femme, de mes enfants, de mes grands-parents, enfin de mes parents et donc des grands-parents des enfants. Je peux faire passer ça sous le temps de travail et donc dire, bah oui, bah, ce week-end, il faut garder les enfants parce que papa travaille. Et en fait, papa, lorsqu'il travaille, il joue. Alors, ça prête à sourire comme ça, mais c'est la vérité. Et en même temps, c'est vrai que c'est mon travail, tu vois. Alors, j'ai la chance d'avoir un métier passion, donc forcément, c'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais en même temps, j'ai besoin de faire ces playtests, même, je veux dire, j'en ai même besoin mentalement, je veux dire psychologiquement. Si je ne joue pas, j'ai la sensation... Je deviens affreux, je déprime, c'est un vrai besoin chez moi. Aidez-le à jouer. Et donc du coup voilà, donc c'est à la fois mon travail, ma passion et compagnie, et pour autant c'est clair qu'avoir des enfants ça m'a fait diminuer du temps de jeu, mais pas du temps de jeu utile, c'est-à-dire que ce que j'ai perdu c'est le temps de jeu inutile à mon travail, c'est le temps de jeu récréatif. C'était le temps que je consacrais par exemple à Magic, alors que je ne travaille pas dans l'univers, je ne suis pas professionnel de Magic, bien que j'en fasse des tournois et compagnie avec des pros, mais je ne suis pas moi-même professionnel, je ne suis pas payé à faire ça. De la même manière, le jeu vidéo. J'ai complètement arrêté de jouer aux jeux vidéo pour moi-même. Maintenant, je joue aux jeux vidéo avec mes enfants, je joue à Magic avec mes enfants. C'est bien qu'il soit petit, Soren joue déjà un petit peu à Magic, il commence déjà à tâter de carton, et il joue au Val aussi, mon jeu simili Magic, mais avec des jeux de cartes à jouer, normal quoi, de 54 cartes. Et donc du coup, le jeu récréatif, maintenant c'est passé en mode jeu récréation, c'est le jeu que je fais avec mes enfants. Par contre, bah, le jeu pour mon travail, ça je l'ai conservé, et heureusement, mais toujours sous couvert travail. Je pense que si c'était pas mon métier de faire du jeu, je pense que ce jeu-là aurait sauté aussi. Ah si, certainement. Alors, je suis pas sûre, mais t'oublies qu'on était quand même des gros joueurs. Enfin, moi, j'aurais pas pu me passer de jeu, en fait. Hein. Et je pense toi non plus. Franchement, il y a des fois où le fait que ce soit ce qui me fasse gagner de l'argent, enfin, concrètement, ça fait que du coup, on s'aménage du temps en se disant « Bah oui, mais sinon, voilà, comment on va faire ?» Enfin, je veux dire, il faut pas se voiler la face. Je jouerais moins au jeu de rôle. Si moins, mais tu jouerais pas plus du tout. Mais je ne jouerais pas plus du tout. Mais je jouerais quand même nettement moins, je pense vraiment. J'ai une autre question, parce que je te retourne aussi la question, Flavie. Est-ce qu'il y a une différence entre quand tu joues avec tes enfants et pour le travail ? Alors moi, en plus, je vais rajouter un autre truc à ça, c'est j'ai ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Parce que moi, je suis prof des écoles. Donc, quand je vais jouer avec les copains, je joue avec les copains. Voilà, là, il n'y a pas de question que je me pose. C'est dès que les enfants sont levés, en fait, que je me pose une certaine question. Déjà, c'est est-ce que je peux jouer aux jeux auxquels je joue devant eux ? Clairement, sur les jeux vidéo, moi, il y en a pas mal que j'ai laissé tomber pour ça. Ou alors, quand ils étaient couchés. Là, on a fait Viraine il n'y a pas si longtemps que ça. C'était clairement quand ils étaient couchés, par exemple. Ensuite, quand je joue avec eux, il y a plusieurs niveaux. Moi, comme je suis prof des écoles, il y a ma déformation professionnelle qui est « je vais lui apprendre quelque chose pendant qu'on va jouer ». Voilà, je suis un peu chiante, mais ça arrive. Et puis quand il fouille dans mes affaires dans mon bureau, et il y a plein de jeux, quoi. Donc il me montre un truc, il fait « on peut jouer ». Bah ouais, t'inquiète, on va faire un memory sur les lettres, et puis en même temps, on va les apprendre. Voilà, là, j'ai ce côté-là un peu chiant. J'ai l'autre côté où moi j'ai envie en fait qu'il ait la... J'ai envie en fait de développer son esprit aussi. Et pour moi le jeu en fait c'est une façon de développer son esprit. Et puis c'est une façon de développer plein de choses. Quand on joue autour d'une table, ça développe la sociabilité, l'acceptation des règles, de se mettre dans un cadre de règles, l'acceptation de la frustration, de perdre ou pas, etc. Ou de jouer à plusieurs, de jouer en collaboration. Donc on a pas mal de jeux en fait. On avait un moment même... mis en place, c'est un moment où on jouait autour de la table de façon régulière. Là, c'est un peu moins régulier. Des fois, on voit jouer énormément, des fois un peu moins. Et puis voilà, et ça, c'est des choses où là, je veux vraiment lui transmettre des valeurs, en fait. Et puis, il y a des fois où j'ai juste envie de lui faire jouer un jeu fun et m'amuser aussi. En ce moment, on a un jeu où on... Ah, je sais plus comment il s'appelle, c'est une poule sur un mur ou un truc comme ça, où on va créer un mur. En fait, tu dois retirer des briques d'un mur au fur et à mesure. Et le moment où la poule tombe, t'as perdu. Et honnêtement, c'est hyper drôle. Et là, j'y joue aussi pour moi. Je trouve ça hyper drôle de jouer à ça avec lui. On se marre. Et puis, et là, c'est un peu moins. C'est juste passer du temps ensemble. C'est aussi un type de transmission. Mais je suis aussi là pour m'amuser, quoi. T'as évoqué le jeu vidéo tout de suite et c'est assez intéressant. Est-ce que parmi les jeux que vous essayez de transmettre, il y a le jeu vidéo, et si oui, ouais, comment vous le transmettez? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, si tu utilises le jeu, en fait, moi j'ai tendance à croire qu'il y a pour beaucoup de parents ce qu'on appelle la télé babysitter. Et je trouve qu'à force, là, ça fait 10 ans que j'enseigne et je vois la situation au niveau des écrans évoluer et pas en bien. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la télévision, mais l'avantage de la télévision, c'est qu'elle ne pouvait pas bouger. Donc en fait, tu avais la télévision babysitter chez toi. Maintenant, l'écran, elle peut le suivre partout, l'enfant. Et ça, c'est un truc qu'on essaye de faire avec Soren, c'est de lui apprendre la valeur de l'écran. Soren, c'est un de nos deux enfants. Et du coup, en fait, on est toujours avec lui déjà quand il joue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il soit confronté aux images seul. Et on lui explique toujours ce qu'il voit, et puis on limite le temps, évidemment. Et du coup, on choisit les jeux. Ça veut dire qu'on a d'abord testé les jeux qu'il va faire avant, pour être sûr qu'en fait, déjà, on va pouvoir lui expliquer tout ce qui se passe. Pour que s'il y a un problème ou de l'angoisse, en fait, on puisse couper l'angoisse. Et c'est rigolo, c'est-à-dire qu'on l'a tellement bien fait avec les jeux vidéo, qu'il n'angoisse pas du tout sur les jeux vidéo. Là où, pour les films, il angoisse parce que c'est pas un truc qu'il arrive à gérer. Parce qu'il ne peut pas gérer le film, quand il le regarde, il ne peut pas le gérer. Alors que le jeu vidéo, il est actif quand il le fait. Du coup, on a réussi à mettre en place pour lui le fait que le jeu vidéo, pour beaucoup d'enfants, c'est un truc où ils sont passifs, en fait. Et là, en fait, c'est un endroit où il est vraiment actif, où quand on va, par exemple, dans Zelda, où on va dans les volcans, ensuite, on va vérifier dans les livres ce qu'on connaît sur les volcans, etc., pour expliquer ce qu'on a vu dans Zelda. Ensuite, on va expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il a fait telle chose, pourquoi est-ce que le feu, ça peut contrer la glace, etc. Et du coup, ça nous amène à faire des trucs scientifiques autour du jeu, c'est-à-dire que le jeu auquel on joue avec notre enfant se limite pas à l'écran, c'est-à-dire qu'il va amener plein de choses à côté. Et par exemple, en ce moment, ça nous a même amené à faire des jeux de rôle avec lui. En fait, moi, ce que je dis par rapport à Soren, ce que je vois plutôt dans notre manière de transmettre ça à Soren, c'est que pour moi, c'est je lui transmets une culture. C'est-à-dire à la fois le fait de jouer aux jeux vidéo, mais aussi le fait de faire des jeux vidéo qui sont liés à l'histoire du jeu vidéo. Avec Soren, on a commencé, parce que moi, j'ai dans l'idée que le jeu vidéo, c'est vraiment ma culture. C'est pas une activité pour moi. Je sais pas comment dire. C'est créateur de quelque chose en toi, en fait. C'est formateur. Ouais. C'est formateur, c'est essentiel. Je lui transmets le jeu vidéo comme mon père m'a transmis les films de Lino Ventura, parce que pour lui c'était ça sa culture. Lino Ventura c'était pas son héros, mais c'était son modèle humain, son modèle de héros à lui. Les jeux vidéo je les transmets exactement comme ça. Et donc de fait je les transmets aussi dans l'ordre où moi-même je les ai vécus. C'est moi-même, je les ai découverts. C'est-à-dire que on a commencé par les tout premiers Mario et Zelda sur Nintendo et Game Boy. Puis on a fait ceux sur Super Nintendo. Et ce que je trouve très pratique avec Nintendo, mais aussi avec le rétro gaming, c'est que en fait, mine de rien, c'est un apprentissage à l'image. C'est-à-dire qu'on commence par des pixels. Ces pixels se développent en motifs plus complexes, puis ensuite ces motifs plus complexes vont devenir presque proches du film. C'est-à-dire entre Mario 1, Mario sur Super NES, puis Mario sur Wii, il y a une évolution graphique qui va, je trouve, assez bien avec l'évolution de l'image, en fait, dans sa complexité, dans ses formes. Et donc ça, je trouve ça intéressant aussi pour la transmission de montrer que... de suivre, en fait, notre propre évolution en tant que parent pour montrer, en fait, à l'enfant, en même temps qu'on lui montre un jeu vidéo, qu'il y a aussi une histoire, une culture, que ça s'est développé au fil des années. Et il faut savoir, parce que du coup, moi, je rencontre énormément de parents, que ce qu'on vous raconte, on n'est pas les seuls à le faire, en fait. Moi, j'ai de nombreux parents avec qui, parce que arrive souvent, moi, quand je reçois les parents, le problème de l'écran, et donc je préfère leur conseiller des jeux, en fait, plutôt qu'ils montent n'importe quoi. Et souvent, en fait, j'ai de plus en plus de parents qui me disent « Ah, mais ça, je lui ai montré !» Généralement, je finis par avoir une discussion jeux vidéo avec les parents, parce que mine de rien, les parents, ils ont mon âge. Donc, du coup, voilà. Et on a soit ces types de parents-là, soit les parents qui, du coup, utilisent l'écran comme babysitter. Et vous avez évoqué le jeu vidéo. Et est-ce que c'est pareil avec le jeu de société ? Même si, effectivement, je pense qu'il y a plus de jeux de société qui sont adaptés aux tout petits. Et aux jeux de rôle. Parce que, je connais très très mal le jeu de rôle. Et voilà, c'est un de mes défauts dans ludologie. Mais est-ce que ça existe, les jeux de rôle pour enfants ? Au-delà du loup-garou de Sirius ? Alors, oui, ça existe. Il y a celui sur le magicien d'Oz qu'on avait testé d'ailleurs sur la cellule. Il y en a pas mal qui se jouent notamment avec le principe du pile ou face. Mais moi, je dois avouer qu'en fait, je trouve ça dommage de limiter en fait le gameplay. Très souvent, en fait, je trouve que quand on va faire un jeu de rôle pour enfants, on va avoir tendance. Alors, je parle pas de faire quand même des tableaux qu'on doit résoudre avec un PC ou avec une calculette. Hein, mais je trouve ça dommage de considérer que les enfants ne puissent pas avoir accès à des façons de jouer fortes, à des gameplays forts, parce que je trouve que en plus ça les met beaucoup plus dans la fiction en fait. Le fait qu'ils aient des règles en fait en face d'eux et des choses auxquelles ils vont pouvoir réfléchir va les mettre d'autant plus dans la fiction. Et je trouve que dans les jeux que j'ai pu voir, hein, je les ai pas tous testés du commerce, très souvent on avait un gameplay qui était extrêmement limité et qui du coup ne développait pas du tout en fait leur imaginaire. Je pense que c'est ils n'ont peut-être pas été faits par des gens qui connaissaient les enfants, mais j'ai envie de dire que les enfants, plus ils ont de contraintes pour penser, plus en fait ils vont aller loin. Et ça se voit, hein, je veux dire, quand je suis en classe et que je donne en art visuel un truc genre faites ce que vous voulez, là j'ai des choses très très pauvres, si à ce moment-là je rajoute juste une contrainte, je vais avoir de plus en plus de richesses, etc. Ils ont besoin de contraintes en fait pour pouvoir aller contre, hein. Ils ont besoin de rencontrer quelque chose qui résiste pour pouvoir rentrer dans l'imaginaire. Adrien. Oui, en jeu de rôle j'aime pas trop les contraintes, je joue avec aussi, je suis un grand enfant. Et nous, parce qu'avant de jouer avec nos enfants, moi je suis très proche de mon neveu et de ma nièce, et on a beaucoup joué avec eux aussi. Et du coup, en fait, on leur a fait jouer au même jeu que nous, en fait. On n'a pas du tout été vers les jeux pour enfants. Par contre, évidemment, on a un petit peu, on n'a pas fait des jeux avec du contenu. Ah, j'arrive, je te donne le micro tout de suite. On n'a pas fait des jeux qui contenaient des scènes de sexe ou ce genre de choses. C'est assez logique, il faut faire attention. Je vais te donner le micro tout de suite. Mais bon, on a globalement joué au même jeu que nous, en fait. Alors, tout d'abord, là, on change du coup de personne, c'est-à-dire qu'on ne parle plus, pour moi, dans la transmission parent-enfant, on ne parle plus de nos enfants à nous vraiment, parce que Soren, il a 5 ans et demi, Pandore, elle a 1 an et demi, au moment où on enregistre cette émission, il est bien évident que le jeu de rôle, c'est encore trop tôt. Le jeu de rôle tel qu'il est présenté ou tel qu'il est présent aujourd'hui, il n'y a pas de jeu de rôle pour cet âge-là. Ce serait se voiler la face, même Petite Sorcière et compagnie. Puis on en parlera du coup, mais tu as créé des jeux quand même pour Soren. Alors attends 2 minutes. Là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours dans ce type de jeu un animateur qui est un adulte. Donc il n'y a pas vraiment de jeu de rôle pour les enfants. Parce que s'il existait un jeu de rôle pour les enfants, il serait vraiment à leur destination et ils pourraient jouer tout seuls. J'ai jamais vu des enfants de 5 ans et demi autour d'une table faire une partie de jeu de rôle. Et à mon avis, je ne suis pas prêt d'en voir. Donc il faut replacer le truc. C'est-à-dire faire du jeu de rôle avec des enfants, oui. Des jeux de rôle pour les enfants, non. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a une petite nuance déjà à apporter ici. Premier point. Deuxième point, donc les enfants dont on est en train de parler là, c'est déjà beaucoup plus des ados. C'est ton neveu et ta nièce. Et eux, eh bien, j'ai appliqué exactement la même méthode qu'avec Soren. On a commencé d'abord par faire du jeu comme il en existait au tout début du jeu de rôle, à savoir on a joué à l'œil noir, donc avec damier, figurines, etc. C'est pour ça qu'on entend d'ailleurs Gwendal répondre à Maxime Chatham que sa définition du jeu de rôle n'est pas bonne parce que dans sa manière de jouer à lui, il y avait des figurines. Hein. C'est une vraie réponse de Gwendal à la vidéo de Maxime Chatham. Donc c'est pas uniquement une blague, c'est vraiment comme ça qu'il a réagi parce qu'on lui a fait commencer avec du jeu de rôle, du vieux jeu en fait. Et maintenant, on commence à aborder, à travers des playtests de jeux à moi, donc de jeux plus récents, plus modernes, bénéficiant de toutes les avancées que la Forge a apportées, que toutes les réflexions francophones autour de la Forge ont apportées pour être créées. Donc là, on commence à aller sur du plus dur. Et par accident, il se trouve qu'un jour, tandis qu'on était en train de jouer dans le jardin avec ton neveu et ta nièce, Soren est arrivé autour de la table. et parce que j'ai pas osé lui dire à ce moment-là non, on est en train de faire un jeu de rôle, c'est pour les grands, je lui ai dit bah écoute, prends un perso, dessine tes objets et joue avec nous. Et la grande surprise, il s'est avéré qu'il était parfaitement capable de jouer au jeu de rôle que j'étais en train de développer. Il a joué très très bien, enfin assez correctement, on va dire. Ses propositions n'étaient pas toujours très très intéressantes, ça restait quand même des propositions enfantines, mais vraiment il était capable de prendre le système en main, de lancer les dés au bon moment, de respecter les temps de parole, de respecter les règles. Donc il y avait quand même quelque chose. Par contre, il n'était pas encore capable de lire à ce moment-là, donc du coup il dessinait ses objets au lieu de ce qui m'a donné lieu moi à quelques idées, tu vois. Je me suis dit tiens, c'est intéressant comme concept. Donc comme quoi voilà, mais ça c'est un accident. On n'était pas dans la transmission à ce moment-là. Il est arrivé, puis on s'est dit allez, on prend une fiche de perso, et puis voilà. C'est pas tout à fait la même démarche. Alors que dans le jeu vidéo, moi j'ai une démarche consciente de transmission. Hein, par rapport au jeu de rôle, ma démarche de transmission, elle va commencer quand il sera vraiment capable de lire, vraiment capable d'inventer des histoires personnelles. Alors, il est déjà capable, mais je veux dire de façon structurée. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, le travail n'a pas commencé. Flavie, tu veux... En fait, Rome a créé pour lui à la base, pour apprendre à jouer, un jeu qu'on appelait Aventure avant que le joueur du grenier ne crée ses trucs Aventure. Voilà. Et donc, Soren, il continue à appeler ça comme ça. Et en fait, c'était un jeu où il y avait une map qu'on créait avec lui. Et du coup, en fait, il avait un personnage qui se déplaçait sur la map. Et on lui faisait sa popée, on lui faisait rencontrer des choses, etc. Et il a tellement adoré qu'il continue à nous faire des maps tout le temps. Par contre, c'est un MJ extrêmement dirigiste. Et je suis encore bien gentille. Parce qu'en fait, il est dans ses histoires et il n'arrive pas encore à intégrer des gens dans les histoires. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans l'histoire de quelqu'un. Mais pour lui, ses histoires sont tellement intime, il y a tellement d'affectif en fait dans ce qu'il crée, qu'il n'est pas encore capable d'accepter que quelqu'un en change le cours en fait. C'est trop affectif et c'est normal en fait à 5 ans du point de vue du développement. Déjà c'est cool qu'il ait de l'affectif sur les histoires qu'il crée et qu'il crée des histoires. Mais c'est vrai qu'accepter que quelqu'un puisse c'est hyper difficile d'accepter de cette transformation là alors qu'il a cette chose là en tête. Pour lui pour l'instant c'est très très compliqué. C'est intéressant ça, parce que c'est une idée reçue qui revient souvent concernant le jeu. Alors le jeu vidéo notamment, mais c'est un truc qu'on retrouve en jeu de rôle, c'est l'idée du recul et de savoir faire la séparation entre la réalité et le jeu. Est-ce que c'est un truc qui pose davantage problème quand on essaie de partager le jeu avec ses enfants ? Moi j'ai pas l'impression, hein. J'ai vraiment pas l'impression. Si tu prends par exemple le jeu de rôle, franchement, Soren il fait vraiment la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'aventure, ce qui est de l'ordre de la, de la partie de jeu de rôle, ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre de la réalité. Vraiment, il a déjà... et c'est pas parce qu'il est exceptionnel, hein. Je pense que la plupart des enfants sont vraiment capables de... Mais il est exceptionnel, non, il est exceptionnel, c'est mon fils Adrien, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est exceptionnel, mais, voilà, je pense que tous les enfants sont capables, comme lui, de faire cette part. Alors moi, je suis pas d'accord, je pense que c'est le même... En fait, quels que soient les adultes, les gens en général, enfants, adultes, quel que soit l'âge, il y a des gens qui feront toujours très bien la différence entre la fiction et la réalité, et des gens qui auront plus de mal à faire ça. Et ça, c'est quel que soit l'âge, en fait. Moi, sur mes classes, je pense que c'est toujours moitié-moitié, à peu près. Et je pense que c'est vrai quand on est plus grand, il y a encore des gens, même à notre âge, qui, quand ils vivent quelque chose dans la fiction, que ce soit un film ou autre chose, qui ont du mal ensuite à en sortir. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont faire bien le distinguo. Je veux dire, ça, c'est pas pour les enfants, en fait. Ça, c'est vraiment, à mon avis, quel que soit l'âge. Quand on voit Mireille Dumas incapable de faire la différence entre la réalité et la fiction, entre le jeu de rôle tel qu'elle se l'imagine et le jeu de rôle tel qu'il est vraiment, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, vraiment. Je vais prendre un autre cas. Alors pour le coup, c'est un exemple fictif qui est tiré de L'Homme D de Luc Rinard. Je sais pas si vous connaissez ce roman. Je peux vous prêter juste il est là. Là, il est là. Il veut nous prêter tous nos livres depuis qu'on est rentré dans son appartement. Il veut partir avec sa bibliothèque. J'aime bien qu'on flatte sur ma bibliothèque, c'est tout. L'Homme D, c'est un homme qui est en forme de D. Non. Parce que sinon, je me disais, ça y est, j'ai la forme du coup de judologie. Il y aura l'homme E après, et l'homme F. Ça, c'est sur Twitter, l'homme E. Donc, je disais, l'homme D, c'est l'histoire d'un psychanalyste qui, du jour au lendemain, décide de jouer toutes ses décisions au D. Mais si, si, si. Ah si, j'en ai entendu parler, ouais. C'est Darky qui a dû nous parler. Et donc, bah voilà, c'est, il a 6 choix. Darky, tu perds au jeu. T'as perdu au jeu. Et donc, il a 6 choix, et donc il doit, si c'est 6, bah, il fait la décision 6. Et il y a une scène très dérangeante, et en même temps assez jouissive, dans sa transgression, où il applique cette... ce qui devient après une religion, une secte, etc., à ses enfants. C'est-à-dire, il a ses deux enfants qui se battent. Non, non, non, non, vous arrêtez. Vous allez tirer au dé. Si vous avez le droit de vous battre ou pas. Et je remets à voir votre regard, vous, en tant que parent et joueur-joueuse, sur ça, puisque ça montre, en fait, la limite du jeu en tant que moment où je peux transgresser les règles, je peux dire caca prout, etc. Moi, j'ai un vrai souci avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, le jeu, il sert aussi à apprendre à réfléchir. Et en fait, là, c'est pas un jeu, c'est l'utilisation. C'est clairement pas un jeu, c'est juste un dé, en fait. C'est normalement un outil dans le jeu qui sert à jouer, qui va servir à développer des règles. Là, il prend l'outil, il retire toutes les règles morales, toutes les règles qu'il peut avoir autour, et il se sert uniquement de l'outil. C'est con. C'est même plus une transgression. C'est que là, il a décidé de supprimer ce qui, dans le jeu, est intéressant, à savoir de réfléchir. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est juste quelque chose qui lui supprime, en fait, sa faculté de réfléchir et son libre arbitre. Et je... Ce que je vois, moi, derrière cette expérience de pensée, c'est un cas limite de moment où on transmet quelque chose de contestable à nos enfants. Et ça, mais ça va arriver, ça arrive tout le temps. Et oui, il y a certaines parts de nos erreurs, certains de nos défauts, de nos maniaqueries, de nos paranoïas, de nos maladies mentales qu'on transmet à nos enfants, comme on appelle ça déjà, des névroses, voilà, c'est ça. J'ai cité des psychoses précédemment, mais des névroses qu'on transmet à nos enfants, évidemment, notre peur de la mort, notre je ne sais quoi. Et ça, bah là, par exemple, ce type, vraisemblablement, s'est défaussé de sa responsabilité, l'homme D, à travers justement le fait de lancer toutes ses décisions au D. La responsabilité, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Yalom, Irvin Yalom, dans lequel donc, il parle de comment dire, il élabore une tentative de faire de la psychologie autour des problématiques existentielles. Et l'une de ces problématiques existentielles, c'est-à-dire, en fait, en gros, il pense que la plupart des maladies mentales auxquelles on est confronté dans la profession de psychologue ou de psychiatre, ce sont en fait des maladies qui sont liées à des problèmes existentiaux mal gérés. C'est une démarche assez originale. C'est-à-dire, en fait, l'idée que ce serait notre peur de la mort qui nous ferait à un moment donné virer la peur de la solitude, la peur de la responsabilité qui nous ferait à un moment donné virer, faire transformer nos névroses en psychoses et compagnie et compagnie. Et donc du coup là, moi, ce que j'entends quand tu me parles de l'homme D, c'est quelqu'un qui a transformé sa peur de la responsabilité, la peur de devoir subir les conséquences de ses actes, en disant bah, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le dé, c'est Dieu qui l'a fait. En plus, l'homme dé, Dieu, tout ça, enfin bref, on voit tout de suite ce qui va avec. Donc, et il transmet ça à ses enfants, et c'est là la limite de l'exercice, parce que, comme l'a dit Flavie, lui, il a fait le choix de lancer au dé. Il a fait le choix de se défausser de sa responsabilité de la sorte. Il a fait le choix de résoudre sa problématique existentielle de la responsabilité à travers cela. Et, en transmettant la méthode du dé à ses enfants, attention, qu'est-ce qu'il transmet ? Est-ce qu'il transmet sa névrose, sa peur de la responsabilité ? Je crois pas. Il transmet juste sa mauvaise pratique de lancer le dé. Si tu m'avais dit que d'abord ses enfants ont craint d'être responsables et que du coup leur père leur a conseillé, à ce moment-là, si vous avez peur d'être responsable, faites comme moi, lancez le dé. Là, j'ai envie de dire, c'est l'éducation telle qu'on la vit tous au quotidien, tous les jours. Avec un exemple un peu caricatural, celui du dé, mais c'est exactement ce qu'on fait. Quand l'enfant, il nous parle de la mort, quand l'enfant, il nous parle de ses problématiques existentielles. Ce que j'ai compris, ce ne sont même pas les enfants qui jettent le dé, c'est lui. Si les enfants jettent le dé. Voilà, et après, en fait, ça devient n'importe quoi, ils se font virer de l'école parce qu'ils jouent tout au dé, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais tu vois, ce qui me pose problème, c'est qu'il faut d'abord, entre guillemets, transmettre sa névrose pour ensuite conseiller à ses enfants une issue possible à celle-là, c'est-à-dire lancer le dé pour éviter cette problématique de la responsabilité. Et éventuellement, et c'est là que les enfants sont extraordinairement forts, ils vont remettre en question nos solutions. Un enfant... c'est comme un élève et un maître. L'élève finit toujours par questionner le maître, par lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu as utilisé de lancer le dé ? Il y avait telle ou telle autre solution, etc. etc. » C'est clair. Flavie et moi, on transmet des trucs à nos enfants. Mais il y a un truc qu'on leur transmet aussi, c'est notre esprit critique et notre capacité, à, en tant que personne ayant fait beaucoup de philo et compagnie, s'étant beaucoup de poser de questions quand ils étaient jeunes, à se poser des questions. Donc je peux te dire un truc, hein, c'est que moi je sais que tout ce que je lui transmets en ce moment, ce sera questionné par la suite et que je n'aurai pas forcément toutes les réponses aux questions. Et heureusement. Et donc c'est ça qu'il aurait dû leur transmettre avec le dé, le questionnement qui va avec. Ça, c'est ce qui est le plus important, je pense. Par rapport à ça. Vous avez évoqué la façon dont vous transmettiez le jeu vidéo, également la façon dont vous comptiez transmettre le jeu de rôle. C'est quelque chose qui paraissait assez planifié, qui paraissait aussi relever d'une certaine, enfin d'une idée établie de ce, comment le jeu fonctionnait, comment on pouvait l'appliquer, comment on pouvait le transmettre. Est-ce que dans la transmission, il y a eu une compromission à faire, où il y a eu des découvertes, des changements de point de vue qui sont nés de cette transmission? Ah, quand tu démarres et que tu as un enfant, en fait, déjà, il va falloir le connaître. Alors, même si tu as une petite idée de ce que tu vas faire, en fait, il peut t'envoyer chier parce qu'il n'a pas envie de faire ton truc, parce que ça l'emmerde. Et il a bien raison, parce qu'il a le droit d'avoir sa personnalité. Donc, déjà, tu as beau penser tes trucs avant, ça ne marche pas. Il va falloir s'adapter. Hein. C'est comme quand tu es face à une classe. Il y a ce que tu as fait l'année d'avant, ça marchait du feu de Dieu. Et puis cette année-là, tu as une classe, elle déteste tout ce que tu avais prévu avec la classe d'avant. Il va falloir tout changer. Là, c'est pareil. En fait, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. De la même façon, il y a des trucs qu'on pensait que ça se passait comme ça, qu'on pouvait le transmettre comme ça, et en fait, pas du tout. Et de l'autre côté, il nous a appris des choses aussi sur la façon dont on jouait. Il a eu des questions des fois très, très pertinentes. Et puis c'est... En fait... Le problème de la transmission, c'est toujours de la voir d'une façon cascadante, en fait, je dirais. Comme si c'était du haut vers le bas, comme une cascade, où on va donner des trucs à un loulou et puis on va ouvrir la tête et il y a plein de trucs qui vont tomber dedans. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, c'est un échange. Donc, quand tu transmets quelque chose, en fait, tu le transformes autant qu'il te transforme. C'est-à-dire qu'il va forcément questionner, il va forcément avoir un retour qui va transformer ta façon de jouer. En fait... C'est finalement une relation comme une autre, sauf qu'en plus, tu y mets de l'affect parce que c'est ton loulou. Mais voilà, peu importe ce qui se passe, une transmission n'est jamais que dans un sens, n'est jamais dans un sens et toujours dans le même sens, c'est toujours dans un sens et dans l'autre. Je disais, il y a un truc énorme, c'est de revoir ces vieux trucs de quand j'étais gamin à travers les yeux de mon propre gamin. C'est-à-dire, il y a une chose, c'est de regarder un vieil épisode des Chevaliers Zodiac. Une autre est de regarder un vieil épisode des Chevaliers Zodiac à côté de son gamin. Et d'abord, ça nous fait nous poser des tas de questions. D'abord, tu te poses la question, est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce qu'il est pas trop jeune? Est-ce que c'était pas trop chelou que mes parents me fassent voir ça aussi jeune? C'est ça. Tu te poses des tas de questions. Tu te dis, attends, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça convient à son âge? Et compagnie, et compagnie. En l'occurrence, les Chevaliers Zodiac, j'ai vite arrêté. J'ai même pas commencé, en fait, parce que j'ai regardé d'abord les épisodes en amont sans lui. Mais du coup, j'étais un peu avec lui quand même parce que je me disais, est-ce qu'il est capable de voir ça? Parce que j'avais en tout près envie de lui montrer les Chevaliers Zodiac. Et Flavie m'a expliqué que c'était trop tôt. Et effectivement, en regardant les épisodes, je me suis dit, non, mais c'est grave trop tôt, quoi. Il est pas prêt à ça. Et alors, en jouant à Zelda avec lui, en jouant à Zelda 3 avec lui, tu redécouvres tout, quoi. T'es là, et à Metroid, quand je lui ai fait jouer à Super Metroid avec Soren, c'était juste génial de voir ses réactions, voir s'il avait les mêmes réactions que moi au même moment. On a l'impression de redécouvrir, en fait, des choses qu'on connaît déjà. Donc ça, c'est un premier type d'échange. Moi, j'ai une vision un peu plus... Je suis pas comme Flavie. Le coup de l'échange, je suis d'accord avec toi, Fly, sur tous ces points. Moi, j'ai une vision beaucoup plus. Déjà, je suis beaucoup plus rigoureux que Fly dans la manière dont je transmets les choses. Tu vois, j'ai vraiment réfléchi en amont à ce que j'allais lui montrer en premier. Par exemple, le gros débat, ça a été sur les films Star Wars, par exemple. Ça, c'est un débat qui est hyper intéressant. Non, attends. C'est pas la question. C'est... Je viens de te le redire. Non, mais la question, c'est dans quel ordre montrer Star Wars à ses enfants? Non, mais. C'est une question de ouf, ça. Parce que pour un parent, c'est pratique de commencer par le 1, le 2 et le 3. Autrement dit, par la prélogie. Parce qu'ils sont plus enfantins. Et donc, du coup, quand on a hâte, quand on a trop hâte, quand on veut faire trop facile, trop rapide, que c'est trop séduisant, on a tendance à se dire, on va commencer par le 1, 2, 3. Parce que, bah justement, il est plus jeune, il peut comprendre ça plus jeune. Ce serait le côté obscur de Star Wars. À mon avis, oui. C'est-à-dire que la bonne solution... Le côté obscur de Star Wars, c'est Jar Jar Binks. C'est d'attendre. Non, alors... C'est... Oui, apparemment, Adrien est d'accord. Mais je veux dire, mon avis, il faut voir ces films dans leur ordre de parution. Si on veut introduire son enfant à l'histoire même du cinéma. C'est-à-dire que quand moi en amont, enfin, je suis désolé, je suis un peu. C'est marrant parce que c'est toi la prof, mais c'est moi qui ai la vision la plus professorale de non mais c'est vrai, de la transmission parent-enfant, c'est hallucinant en fait. Oui, mais c'est parce que en fait j'ai tellement conscience de du fait que je risque de ramener ce que je fais à l'école à la maison que j'essaye de contrer en fait. Ah oui, parce que sinon moi ce serait très facile de lui coller sur la table tous les jeux que je fais pour apprendre les lettres, les nombres, etc. Et c'est clair, il saurait déjà lire, mais en même temps est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse, ou est-ce que c'est plutôt développer son imaginaire, l'aider à développer sa personnalité? Moi il faut que j'ai conscience en fait que je peux facilement tourner du côté prof pour éviter justement d'y aller. Donc en fait, il faut que je remette un peu de chaos dans tout ça, moi. Après moi, les matières, tu vois, que je lui transmets, ce sont des matières beaucoup plus ludiques, entre guillemets. Le cinéma, le jeu vidéo, le jeu de société, c'est pas des endroits dans lesquels on apprend forcément à lire, à écrire, à compter, ou des matières qui peuvent paraître plus scolaires. Pour autant, je suis convaincu qu'on y apprend des tas de choses. Hein. Loin de moi l'idée de dire que le jeu, c'est la récréation, qu'on n'y apprend rien, au contraire. Hein. Moi, je suis vraiment un disciple d'Henriot, mais pas que, j'aime aussi beaucoup, comment s'appelle-t-il déjà, Colas Duflo, sur des théories sur le jeu, sur ce qu'on apprend à travers le jeu, etc. etc. Donc ça me pose pas de problème, enfin, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas dire que moi je m'occupe des endroits où on n'apprend rien. Mais par contre, c'est le côté, pour moi, une culture, elle s'acquiert dans l'ordre. On doit commencer par apprendre les civilisations les plus anciennes avant d'apprendre à comprendre notre civilisation moderne. Pour le cinéma, c'est la même chose. Si je lui fais découvrir la SF ou en tout cas le space opéra, je vais vouloir commencer par les vieux films et compagnie. J'ai une question à te poser du coup, parce que moi je me dis qu'en fait, on a tendance à transmettre peut-être comme on nous a transmis. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on t'a transmis les choses? Parce que moi on m'a transmis tout dans le méga chaos et j'ai trouvé ça kiffant. Moi, tu rigoles ou quoi? J'ai tout appris dans le chaos, je suis comme toi, je suis un enfant du club Dorothée, on m'a foutu devant la télé très très jeune, etc. C'est d'ailleurs, dans une des premières interviews que j'avais données pour Sci-Fi Universe, j'avais dit que mes parents m'avaient interdit de télé, et quand mes parents ont lu cette interview, ils se foutent de ma gueule en disant « Non mais t'as vraiment aucun souvenir de ton enfance, parce qu'en réalité on t'a collé devant la télé pendant toute ton enfance. » Et là, pour le coup, on était vraiment dans le babysitting. Et donc du coup, moi j'ai tout appris dans le bordel, il n'y a jamais d'histoire qui m'a été faite de tout ça. Mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train de parler de l'histoire du cinéma quand je parle de ça? Non. Je parle de mon histoire à moi. Je suis dans ma généalogie à moi. C'est ça que j'ai envie de transmettre à mon fils. Je n'ai pas envie que mon fils soit comme moi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai envie que mon fils me comprenne. Me comprenne. Ça, c'est mon obsession à moi. Quand j'écris un bouquin en tant qu'auteur de jeux de rôle, quand j'écris un bouquin en tant qu'auteur de jeux de société, je veux qu'on me comprenne. Je veux être compris. C'est ma maladie, c'est mon problème existentiel à moi, si tu veux, Corentin. J'ai envie qu'on me comprenne. Et ben, mon fils, c'est pareil. J'ai envie qu'il me comprenne. Et pour qu'il me comprenne, ben, il faut qu'il ait accès à ce qui fonde, tu vois, ce qui fait le top 10 du cinéma de son père, tu vois. Les Star Wars, c'est essentiel. Il verra Dune, c'est essentiel. Il jouera à Mario, c'est essentiel. Tu vois l'idée, c'est que on puisse communiquer ensemble, et pour communiquer ensemble sur tout ça, je dois d'abord lui transmettre ça. Et pourquoi je lui transmets le maintenant? Parce que c'est à l'âge où moi-même je les ai reçus, et dans l'optique que lui les discute, que lui me fasse plus tard découvrir les choses de sa génération à lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va tomber sur un livre, il va dire « Ah, ça, papa, c'est comme Zelda, c'est comme machin », et il me donnera envie de lire et de rester éternellement jeune et de rester un enfant. C'est là, justement, que j'obtiendrai un retour de transmission, si j'ose dire. Et justement, moi, c'est pas du tout comme ça que je transmets. Moi, je transmets, en fait, pour façonner un peu un être humain. Je me pose pas la question de savoir s'il va me comprendre ou pas. Je pense que c'est important qu'il comprenne qu'il faut sortir au minimum une fois dans la journée pour s'aérer, pour qu'il garde ça en tête. Je pense que c'est comprendre, l'emmener courir. C'est important de l'emmener courir. C'est important de... En fait, quand je lui fais faire des choses, c'est souvent que derrière la tête, j'ai dans l'idée, je vais lui transmettre. Même si je suis partie, en fait, un jour, il sera capable d'être autonome, en fait. Moi, mon but, c'est de faire qu'il soit autonome. Moi aussi. Heureusement. Oui. Non, mais tu vois ce que... Je voudrais pas que... On parle de la transmission du jeu, là. Oui, mais pareil pour le jeu, en fait. Quand je... La politesse aussi, mais... quand je joue à quelque chose avec lui ou ce genre de choses, je l'ai dit tout à l'heure, hein, y a plusieurs raisons, hein, mais souvent, quand je choisis quelque chose, c'est parce que j'ai l'impression que derrière, il va y avoir un acquis, quelque chose qui restera, en fait. C'est important quand même la distinction qu'elle fait là. Oui, oui, d'accord, ok. Si, si, on est bien différents. Moi, quand je vois dans la transmission, je parle plutôt culture et toi, tu parles plutôt transmettre l'autonomie, le savoir-vivre. Je ne sais pas si vous avez vu un film, à la base, c'est un livre qui s'appelle The Road, je crois. Ouais, avec. Je ne l'ai pas vu en français, je suis désolée, Adrien. C'est le roi du Gondor qui joue dedans. Ouais, c'est le roi du Gondor, c'est Viggo Mortensen. Et dedans, en fait, l'humanité est fichue, hein, y a des cannibales partout, je vous passe le truc, c'est un des films les plus déprimants que j'ai vu toute ma vie. Mais il y a un moment où il lui dit, parce que le gamin s'endort et ils se font piquer leur nourriture, il dit: mais il faut que tu comprennes que tout ce que je fais, c'est pour que tu puisses un jour te débrouiller sans moi. Que c'est ça qui est important. Et en fait, c'était pour moi ce qui était important dans ce film, c'est un film sur qu'est-ce que c'est la transmission. Est-ce que la transmission, c'est transmettre en fait qui tu étais à ton enfant, ou transmettre le fait qu'il pourra vivre sans toi? Oui, mais encore une fois, ce n'est pas le propos du film, c'est pas la transmission du jeu à l'enfant. C'est bien la transmission. Voilà, mais c'est pas la même chose. Moi aussi, j'apprends tout ça à Soren. Si oui, tu veux. Mais il n'empêche que c'est lié. Moi aussi, j'apprends à mettre des gens tout nus pour voler le contenu de leur caddie. Oui, il y a des moments très moches en fait dans le film. Mais justement, c'est le moment où il veut le choquer. Du coup. Par rapport à ce que tu disais juste avant, Romaric, tu dirais que dans la conception de jeu, dans cette volonté d'être compris, mais aussi dans ce que ça peut t'avoir apporté d'avoir des enfants, il y a une période pré- et post-Soren dans tes jeux ? Tu rigoles, mais bien sûr, évidemment. Alors là, mais à plein régime. Mais alors, je ne saurais pas te dire si c'est dans la forme du jeu ou si c'est plutôt autour du jeu. En gros, moi, j'ai une problématique. De toute façon, depuis que j'écris des jeux, j'ai cette problématique de la transmission de l'héritage, en réalité de l'héritage, qui va ponctuer, traverser tout mon travail. On a fait un podcast de la cellule entier là-dessus, qui s'appelle La parentalité dans sens, avec Fabien Hildwein, où il y a Fabien qui, justement, est féru de psychanalyse et tout. Il adore Jung et tout le travail de Freud et compagnie. Donc, du coup, il vient m'interroger sur des thématiques psychanalytiques qu'il a perçues dans mes jeux. Et donc, il avait déjà vu ça, tu vois. Mais alors, depuis que j'ai des enfants, j'ai la sensation de mieux comprendre ma névrose, tu vois ce que je veux dire, de mieux comprendre les idées qui traversaient mon propre travail. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, même à travers mon premier jeu Sens, c'était pas tant transmettre la philo et compagnie, mais c'est en fait, je voulais être père. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, les œuvres d'art, mes travaux d'écriture m'ont servi à compenser le fait de ne pas encore être papa. C'est-à-dire, je pense que si j'avais été papa plus tôt, je n'aurais pas écrit Sens, ou en tout cas, j'aurais pas été jusque-là. C'est-à-dire, quelque part, mais parfois, alors, ça me donne l'occasion de mettre une hypothèse comme ça. Je me demande s'il n'y a pas chez beaucoup de. Alors, je pense que c'est beaucoup des hommes. Parce que justement, ils n'ont pas la chance de connaître la naissance d'un enfant, d'avoir un enfant en eux, etc. Je parle vraiment des hommes, le sexe masculin. C'est-à-dire ceux qui ne portent pas d'enfant, concrètement, ceux qui ne peuvent pas tomber enceinte pour le moment. Des hommes cisgenres, tu veux dire. C'est ça. Bon, eh bien, le fait de ne pas pouvoir accoucher, je pense que ça les rend créatifs d'œuvres d'art. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens en moi. C'est-à-dire que j'ai la sensation que c'est parce que je ne peux pas accoucher d'un enfant physiquement que j'avais envie d'écrire des œuvres d'art. Je sais, c'est bizarre, hein, mais c'est en gros, c'est mon bébé, ça, c'est ma manière à moi d'accoucher de quelque chose que je ne pourrais pas faire physiquement. Et depuis que j'ai un enfant, je me rends compte qu'en fait, j'avais juste envie d'un gamin. Tu vois ce que je veux dire, quelque part? Depuis qu'on a un enfant, bah, du coup, Sens, ça me paraît beaucoup plus fade. En comparaison, enfin, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de. Et pourquoi je les compare? Tu vois, c'est très bizarre, là, Corentin. Quand tu me poses la question, je suis en train de comparer Sens à mon gamin. Enfin, c'est très bizarre. C'est très glauque, en fait. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. J'arrive pas encore très, très bien à mettre les mots. Hein. Là, c'est compliqué pour moi. Mais il y a quelque chose de. Je voulais être père et c'est pour ça que j'ai écrit Sens, je pense. Et maintenant que je suis père, bah, déjà, ça a changé ça. Déjà, je n'ai plus envie d'écrire ce type de jeu qui devrait remplacer un enfant. J'écris autre chose maintenant, d'autres types de jeux. Je pense que ça allait de pair avec une sorte d'angoisse de l'oubli que beaucoup de gens ont. Ouais, c'est ça. ou même très jeune, hein, je veux dire, l'angoisse de l'oubli, on y est tous confrontés à l'adolescence, au moment où on est confronté au gouffre de la mort. On le résout de certaines façons. Et y a une raison aussi si beaucoup d'adolescents se mettent à écrire, hein, je veux dire. Et cette angoisse de l'oubli, je pense que ben, le jour où tu vois ton gamin, ben, tu sais qu'après toi, il y aura quelque chose. Donc il y a quelque chose de réglé, entre guillemets. Il y a quelque chose de physique aussi. C'est pour ça que je parle de la chair. Du fait que j'ai la sensation qu'une femme, elle va transmettre dans sa chair quelque chose à l'avenir. Tu vois, ouais, oui, mais en fait, c'est parce que tu as été à côté de moi pendant que j'étais enceinte, en fait. Et j'ai eu une façon d'être enceinte. Enfin, moi, je ressens, en plus, j'ai une bonne connaissance de mon corps. Donc, en fait, mes bébés, moi, je les ai ressentis. Et puis. Et puis moi, il m'est arrivé un truc de fou pendant que j'étais enceinte, c'est-à-dire que moi, j'avais une double personnalité. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte de Soren, j'étais hyper forte aux échecs, alors que je suis une vraie merde habituellement. Je veux dire, quand j'étais enceinte de ma deuxième, Pandore, c'était l'extrême inverse. C'était moi en fois mille, donc avec tous les moments de pétage de boulons qui vont avec. Le chaos, littéralement, multiplié par deux. Enfin, j'avais une façon vraiment animale, moi, de vivre ça. Et mes accouchements, ça a été une façon très animale. Donc, du coup, je comprends que tu l'assimiles à ça. Parce que moi, en plus, on avait deux façons différentes aussi, à ce moment-là, de vivre ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'homme, j'ai la sensation de vivre une malédiction qui est que je ne pourrai jamais donner la vie, je veux dire, physiquement, tu vois ce que je veux dire. Ok, je donne du sperme, d'accord, très bien, soit, mais je ne pourrais pas donner la vie, tu vois. Mon corps quelque part est une impasse, je sais pas comment le dire. Encore une fois, je parle de mon vécu, je parle d'une angoisse existentielle. Je suis pas en train de faire des grandes généralités sur ce que doivent être les hommes, sur etc. Je suis pas en train de faire du sexisme là, je transmets juste une angoisse personnelle. J'ai la sensation qu'en tant qu'homme, je ne pourrais pas engendrer tout ce que toi, par ailleurs, Flavie, tu as réussi à engendrer. Et donc, j'ai la sensation que ma réponse à ça, c'est de transmettre, ok, soit mon corps sera une terre infertile. Tu vois, je veux dire, mais mon esprit, lui, créera quelque chose, engendrera quelque chose. Et c'est pour ça que je me donne autant à ce travail d'œuvre d'art, etc., essayer de transmettre mon esprit. Si mon corps ne peut pas être transmis, au moins, si je ne peux pas transmettre ma chair, au moins transmettre mon esprit. Tu vois, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et juste par rapport à l'oubli, parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Flavie, qui est très important. Moi, c'est vraiment une angoisse qui me traverse à fond. C'est la peur de la mort, la peur de l'oubli, la peur d'être une impasse, encore une fois, quoi. C'est toujours ça. Et là, les enfants résolvent ce problème. Le fait d'avoir des enfants, de leur transmettre une manière de penser, même si par ailleurs, ils vont la discuter, cette manière de penser. Je ne suis pas en train de dire que ce que je veux, c'est que Soren soit comme moi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au moins je lui transmette ça, et ce sera une base sur laquelle lui-même pourra discuter et se construire. Pour moi, c'est ça, les parents. C'est une base sur laquelle les enfants se construisent. Et donc, voilà. Et donc, à travers les enfants, j'ai appris que la meilleure manière de changer le monde, et même de transmettre son esprit, eh bien, c'était encore de faire les enfants. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je voulais, à travers Sens, accoucher de quelque chose, spirituellement, et en ayant des enfants, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vain. Et qu'en réalité, la seule manière de... Enfin, c'est pas vain, mais... On se fait beaucoup d'amis avec un jeu, avec une œuvre. On rencontre beaucoup de gens qui nous ressemblent et ça permet de communiquer sur plein de choses. J'ai rencontré des gens fabuleux grâce à Sens. Mais ce ne sera pas mon travail de transmission. Mon vrai travail, ma vraie postérité, tu vois, quelque part, je l'obtiendrai à travers les réflexions que mèneront mes enfants sur l'éducation qu'ils auront eue, etc. etc. On transmet aussi quelque chose dans ce que l'on ne transmet pas. C'est un peu aussi ce que... Ah, ça c'est intéressant. C'est aussi quelque chose d'intéressant, et notamment dans le jeu. Par exemple, quel jeu vous ne transmettriez pas à vos enfants ? Ah, c'est intéressant ça. T'as un jeu en tête, toi ? Moi, en fait, d'une manière générale, ça va pas dépendre... Il n'y a aucun jeu que je ne transmettrai pas à mes enfants. Il y a peut-être des jeux... Enfin, il n'y a aucun jeu où je me dirais, ou aucune chose où je me dirais, je ne lui dirai jamais ça, je ne lui en parlerai jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a rien, je ne m'interdis rien. Même les trucs pourris, les trucs que je trouve pourris, je trouve ça intéressant de les transmettre parce que ça peut être une bonne manière de dire, tu vois, ça c'est un jeu de merde, tu vois, le jeu de Manuel Bedouet, ça c'est vraiment de la merde. Allez ! T'es pas là, Manu, c'est pas cool. t'avais qu'à venir. Lala. Donc je dis, non mais imaginons que je trouve le pire jeu du monde. Il y avait avec Dorian, on aimait bien dire que il y a des jeux qui sont tellement mauvais qu'ils font d'excellents objets d'étude. Eh ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, tu ne peux rien t'interdire, même le jeu le plus mauvais, il faut quand même s'attendre à pouvoir le transmettre à ton gamin pour au moins lui montrer en quoi il est mauvais ou en quoi tu penses qu'il est mauvais. Si ça se trouve, il va le trouver génial le truc, tu vois. T'es pas à l'abri d'une surprise de ce côté-là non plus. Donc voilà, donc je ne m'interdis rien de ce côté-là. Par contre, en fonction de l'âge, il y a des choses qu'on s'interdit nous-mêmes de montrer à nos enfants. Les choses justement trop violentes ou qu'on n'estime pas appropriées à leur âge parce qu'ils n'ont pas les concepts pour les penser. En gros, quand c'est trop tôt. Quand c'est trop tôt, tout simplement. Moi, en fait, y a des jeux que je n'amènerai pas naturellement, en fait, à mon enfant. Il y jouera s'il a envie plus tard, mais il y a des trucs... moi, j'ai pas du tout envie, par exemple, de lui faire jouer à... Évidemment, c'est maintenant que je perds le nom de ce jeu. C'est un jeu vidéo où tu joues un mafieux qui pique des bagnoles. GTA. Naturellement, j'ai pas envie de lui montrer GTA. Je suis désolée, ça correspond pas à mon univers, ça correspond pas à un truc qui me touche. J'ai pas envie de lui montrer ça. Ça l'empêchera peut-être pas d'y jouer ou de jouer à un jeu qui ressemblera plus tard. Hein. Je ne l'empêcherai pas. Par contre, j'aurais peut-être donné les outils en fait pour réfléchir à ce qu'il fera, histoire que ce soit pas pim directement dans sa face. Mais voilà, moi, il y a des jeux pour lesquels j'ai pas d'affect particulier et j'ai pas du tout envie. Enfin, par exemple, je suis désolée, mais en jeu de rôle, j'ai pas d'affect particulier pour Warhammer, j'ai pas d'affect particulier pour BD. C'est pas des jeux vers lesquels j'irai naturellement pour lui. Enfin, moi, j'ai plus envie de d'autres choses, quoi. C'est pas les jeux. J'ai envie aussi si je lui montre un truc, j'ai envie de m'éclater aussi pendant que je lui montre ça. Donc ouais, naturellement, même c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour tout, quoi. Enfin, il y a des trucs, il ira peut-être les voir. Je veux dire, moi, ma maman, quand elle a vu que je regardais des vieux films des années 60, genre la Hammer et tout ça, elle a pris la tête dans ses mains en disant, mais qu'est-ce que tu regardes, ma fille, quoi. Mais voilà, après ça, elle m'a vu mater des films d'horreur à n'en plus finir et c'est pas pour ça qu'elle m'en a empêché, mais c'est pas un truc qu'elle m'a amené. On construit aussi une partie nous-mêmes, hein, je veux dire, on n'est pas obligé d'en faire des copies-collées, quoi. Voilà, en termes, par contre, c'est clair, en termes de les publicités, ça, je fais la guerre à la pub. J'essaye de faire en sorte que mes enfants voient le moins possible de publicités, de logos de marque, de trucs comme ça. C'est extrêmement difficile à tenir, mais j'essaye de faire ça. Mais là, on quitte encore une fois le jeu. En gros, j'essaye de ne pas leur transmettre des choses qui pourraient les déterminer et les priver de leur liberté. C'est, pour moi, en fait, ce qui est important à transmettre, c'est ok, je te transmets mes déterminismes, mais j'ai aussi envie de te transmettre les manières de dépasser ces déterminismes. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème de la publicité, le problème du système capitaliste et compagnie, c'est qu'il a tendance à transmettre aussi ces déterminismes sociaux, etc. Et on sait bien que nous, en tant que parents, on a lu Bourdieu, hein, on est au courant qu'on va transmettre à nos enfants un certain nombre de choses. Et donc on essaye, tu vois, mais c'est extrêmement difficile. Il faudrait penser en dehors du bocal, comme dirait Marion Montaigne. C'est pas possible, quoi, ou Einstein. Donc c'est pas tout à fait possible. Mais en tout cas, on essaye. Enfin, moi, s'il y a bien un truc que j'essaye d'empêcher mes enfants de voir, c'est ça. Mais c'est pas... Là, encore une fois, on s'éloigne du jeu, tu vois. Est-ce qu'il y a un jeu auquel je les interdirais de jouer ? Franchement, c'est extrêmement... À moins que ce soit justement un jeu que j'estime dangereux, mais tu vois, du type jeu de la mort, ou tu vois, vraiment un jeu genre où l'enjeu, c'est leur vie, leur propre vie, tu vois. Là, ouais, évidemment, mais est-ce qu'on peut encore parler de jeu, tu vois ? Peut-être quelques cas limites de jeu, tu vois, comme ça, quoi. Mais tu connais le jeu ? Le jeu où tu perds au jeu, là, parce que tu y penses ? Tu connais ce jeu-là ? Non, t'as perdu au jeu ou pas ? Ça y est, je l'ai déjà perdu. Au jeu, mais on a déjà perdu avec Darky. Ça, c'est un jeu que j'ai transmis à mon gamin, par exemple. Pourtant, c'est un cas limite de jeu, parce qu'on peut pas s'arrêter de jouer. Et il joue. Si, on peut, mais il faut que le Premier ministre anglais dise « The game is over ». Ouais, mais non, mais c'est on s'arrêtera jamais. Y a une phrase qui m'a interpellé dans votre réponse à tous les deux. C'est « il n'a pas encore l'âge ». Ouais. Alors pourtant, enfin, la maturité. Il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt. Il est trop jeune pour. Pourtant, enfin, on a tout à l'heure, vous avez parlé du chevalier du Zodiac ou par exemple de Star Wars, peut-être. Justement, on lui a pas montré. Oui, vous lui a pas montré. Mais quand vous l'avez vu à son âge, a priori, vous n'aviez pas l'âge. Et pourtant, vous n'êtes pas des dangereux psychopathes. Je pense que ça n'avait pas non plus la même culture. C'est-à-dire que nous, on a fait vachement gaffe à l'écran à Soren, et puis il n'avait pas la même sensibilité que nous. Il faut voir aussi avec l'enfant qu'on a en face de soi, en fait. Je pense qu'il y a des enfants, ils ont eu beaucoup d'écrans assez tôt, ils ont eu pas mal de violence assez tôt, et du coup, en fait, ça a été repoussé, donc ils peuvent voir des choses plus tôt. Nous, Soren, la première fois qu'on l'a mis devant un Disney, il s'est mis à hurler parce qu'il avait trop peur. Donc, on fait aussi avec l'enfant qu'on a devant soi. C'est-à-dire que Soren, il a une sensibilité exacerbée et le but, c'est pas non plus de défoncer en fait la sensibilité d'un enfant. Chacun a sa sensibilité, chacun est ce qu'il est. Et je sais que sa petite sœur, elle est déjà beaucoup moins sensible que lui ne l'était à son âge. Donc on a deux enfants différents. Deuxième chose, c'est pas parce que nous... Et ça, c'est un truc auquel je tiens. Très souvent, j'entends ça par des parents ou ce genre de choses. C'est « Ah ben moi, j'ai vécu ça, donc il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête. » Oui, c'est pas parce que... Moi, j'ai pris des claques dans ma gueule, ben hey, ça m'a pas empêché d'être con. Hein. Alors voilà, il peut bien en prendre une dorgnole. Ou moi, de toute façon, l'école, j'aimais pas y aller. Alors il n'y a pas de raison qu'on fasse chier mon enfant avec son bien-être à l'école. Il n'aimera pas. Dans la réalité des faits, c'est pas parce que nous, on a été confrontés à de la violence tôt qu'il faut pas se remettre en question ça et qu'il faut pas essayer de réfléchir un petit peu. Moi, j'estime qu'il y a des choses que je peux pas montrer à mon fils pour l'instant. Des cas de violence, ça en fait partie. Je prends en compte sa sensibilité, mais je prends en compte aussi, moi, ce que je pense qu'un enfant ne devrait pas voir avant un certain âge. Moi, je vois trop d'enfants arriver à l'école actuellement alors que je suis en cycle 2, me dire qu'ils ont joué à Fortnite, et juste après, ils n'arrêtent pas au cours de récréation d'essayer de se défoncer la gueule, et ils me disent « on fait comme dans Fortnite ». Bah, je suis désolée, moi, j'ai pas envie que mon fils y joue à ça trop tôt, parce qu'en fait, ils n'ont aucun recul pour pouvoir comprendre ce à quoi ils ont été confrontés. Et du coup, bah, c'est un vrai problème, parce qu'actuellement, et d'ailleurs, c'est dans les nouveaux programmes, ils sont plus nouveaux maintenant d'ailleurs, de 2016. Les enfants, actuellement, il y a un vrai problème sur comment ils vont réagir avec les autres enfants. C'est-à-dire qu'à force d'avoir été confrontés à plein de choses auxquelles ils n'auraient pas dû avoir été confrontés trop jeunes, bah, ils n'arrivent plus à faire voir en fait ce que veut dire le visage du copain en face. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce que ça, j'aurais dû lui faire ou pas? Et je vois de plus en plus de trucs arriver dans les cours de récré qui sont moches. Alors, je pense que oui, nous, on a tous été confrontés à des choses auxquelles on n'aurait pas dû être confrontés à un certain âge. Je pense que maintenant, il serait peut-être temps de s'autoriser le droit de penser que nos enfants ne sont pas obligés de vivre les mêmes traumas que nous, ni la même vie que nous. Voilà, s'il y a bien un truc qu'on peut éviter de transmettre à nos enfants, c'est peut-être ça, justement. Mais alors, attention, quand on dit qu'on nous a mis devant la télé, devant le Club Dorothée et tout ça, nos parents, ils n'étaient pas en train de consciemment se dire qu'on allait regarder des épisodes de Ken le survivant violent. Ils nous ont mis devant la télé en se disant « Je le mets devant la télé, à cette heure-là, c'est des dessins animés, il n'y a aucun risque. » En plus, il est devant la télé, il n'est pas en train de marcher dans les cendres, aller jouer avec le feu du foyer de la cheminée. Tout ça, c'est des trucs que j'ai fait par ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit. Voilà, donc pendant qu'il regarde les dessins animés, au moins, il n'est pas en train d'essayer de foutre le feu à la baraque. Et il ne se disait pas « Je vais le mettre devant les Chevaliers du Zodiac, hein, parce que ça va lui faire du bien de voir Shiryu arracher le cœur, machin. » Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Nous, maintenant, ce qu'on est en train de dire là, c'est que bah, nous, on a du recul par rapport à ces dessins animés-là. On est conscients de ça. Donc, c'est justement, on doit faire l'effort. Parce que si on le met devant ces dessins animés-là, là, c'est consciemment, c'est informé qu'on aura choqué nos enfants. Nous, si un jour on a été choqués par des films et compagnie, c'est par des choses que nos parents ignoraient. Parce que s'ils avaient su que ça allait nous choquer, nous faire peur à la maison du cancer, ils ne nous auraient certainement pas laissé regarder ça à la télé. Seulement, voilà, ils l'ont fait. Et Ghostbusters 2. Et ça ne nous a pas du tout rendu cinglés, hein. Donc, ou Ghostbusters 2, voilà. Non, mais je veux dire... Et alors, donc, il y a un moment donné, en vrai, on ne pourra pas les protéger de tout. Soren, Pandore, ils seront choqués par des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais ce qu'il faut, c'est s'arranger pour que ce soit pas volontaire. Voilà. C'est-à-dire que mais maintenant, du coup, que nous, on a le recul sur le fait que les mangas, bah, c'est pas forcément pour les enfants. Ils ont pas fait exprès, tu vois. Eh ben, il faut aussi se poser la question. Ils seront choqués par des choses, que ce soit qu'on le veuille ou pas. Mais au moins, on aura fait gaffe à nous ce qu'on leur montrera. Mais alors, ce qui est génial, alors je vais plus loin encore. Ce qui est génial, c'est que quand on étudie les choses qui choquent les gens, en réalité, les choses qui choquent les gens dépendent de leur histoire culturelle. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes un pygmée dans la forêt amazonienne, j'exagère volontairement le trait, ou un autochtone de la forêt qui a toujours vécu dans une brindille qui se casse sur le chemin de la chasse, peut provoquer chez vous une transe mystique et peut vous faire penser que votre conscience vient de se briser, que vous avez cassé quelque chose dans la forêt, que quelque chose, et vous allez avoir besoin d'aller voir le chaman pour réparer votre conscience, parce que le fait d'avoir... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre histoire culturelle à moi et à Flavie, la maison du cancer, ça nous a monstre choqués. Là, on est en train de transmettre à Soren une histoire culturelle complètement différente, totalement aseptisée de notre point de vue à nous. Et lui, il va voir les choses choquantes qui dépendent de son histoire culturelle à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas prédire en tant que parent. C'est une illusion, on se berce d'illusions, Flavie. C'est une illusion de penser qu'on est capable de préserver son gamin des chocs existentiels. Je vous cite un exemple concret. Soren, on l'a préservé de tout à travers son histoire culturelle, etc. Ouais, mais il a perdu son grand-père quand il avait 2 ans et demi. Je ne pouvais pas le prévoir. Hein, son arrière-grand-père, pardon, son arrière-grand-père. Et lui, par contre, comme on lui avait toujours parlé, etc., normalement, ça arrive plus tard, en fait, le choc émotionnel. Lui, il l'a eu, mais genre, mais puissance 1000, le choc émotionnel d'avoir perdu son grand-père. Et il a fallu bien un an et demi pour que... Parce que lui, il a été confronté, du coup, à la mort. Donc, des fois, quand je lisais des bouquins sur les planètes, et à un moment, on parlait, en fait, du soleil, et que le soleil finirait par s'éteindre, à un moment, il m'a regardé, il fait « Comment ça, le soleil va s'éteindre ? On va tous mourir, comme grand-pi ?» Et là, paf ! Angoisse existentielle, juste avant de faire dodo, « Tu dors dans 1 heure, mon lapin, on va faire un câlin. » Alors, c'est pour dire que, de toute façon, ils seront choqués. Il y a des choses qui vont les choquer. Ça fait partie de la vie d'un être humain que de recevoir des chocs existentiels qui vont justement forger son caractère, ses craintes, ses angoisses, et autant d'angoisses qui peuvent, si elles ne deviennent pas des psychoses, rester névroses et donc devenir motrices. Parce qu'un humain, c'est ça, il se nourrit de ses névroses pour avancer et compagnie et compagnie. Donc, Je voudrais quand même dire quelque chose parce que je bosse quand même dans le milieu de l'éducation. Quand on dit qu'il faut quand même faire gaffe à l'âge, je vais citer un exemple qui est réel. Je vais juste pas citer le nom de l'enfant. Alors, c'était pas dans ma classe. Il y a un enfant, en fait, du jour au lendemain, une petite fille qui se met à être mutique, qui n'arrive plus à travailler. Et incapable de parler, la gamine. Donc, on s'inquiète. Hein. Donc, on voit les parents et tout, les gamins. Les parents voient le problème aussi. Elle se nourrit plus et tout. On fait venir le psychologue scolaire. Les parents sont d'accord, ils ont signé. Et le psychologue scolaire ressort du rendez-vous éthéré. Il va voir les parents. Vous lui avez montré Walking Dead. La gamine était en CE1. Et la gamine était tellement choquée par ce qu'elle avait vu qu'elle n'était incapable de penser à autre chose qu'à ça. Et donc, quand elle devait travailler, quand elle devait parler et tout, en fait, elle voyait les zombies devant elle. La gamine est encore en psychothérapie. Elle a été traumatisée par ce truc. Et les parents disaient « Bah ouais, mais on pensait pas qu'elle comprendrait. » Bah c'est, ouais, c'était un écran. Ah. Donc, c'est quand on dit « Faut quand même faire gaffe à ce qu'on leur montre. » Pensez pas que votre gamin, il est trop bête pour comprendre. Même quand c'est un bébé, même quand il a... Ce sont des images violentes. Elles véhiculent quelque chose. Il y a quelque chose, quand on les regarde, en plus, on a tous de l'empathie, des choses. Faites gaffe à ce que vous montrez. Ce que je vous dis, c'est une vraie histoire. Et la gamine est loin de s'en être sortie. Elle commence à peine à reparler. Hein. Les films, je veux dire, les directions artistes. Les artistes, c'est quoi ? C'est des gens qui ont appris dans des écoles à transmettre des émotions à travers des sons, des images et compagnie. La direction artistique, ce sont des nains hissés sur des épaules de géants. Les mecs, ils sont hissés sur des années et des années d'histoire de l'art. Donc forcément, quand ils montrent une image, ces mecs-là, les réalisateurs, les metteurs en scène et tout, ils transmettent des choses à l'image qui sont même, qui vont même au-delà des mots, au-delà du langage. Donc évidemment que vos enfants, ils sont sensibles à ça. Ça, c'est premier point. Deuxième point, tout ça, toute cette idée-là, tout ce qui est en train de condamner Fly, repose sur l'idée que les enfants sont bêtes. Voilà. On a l'idée dans notre société que globalement, un enfant, dans la mesure où il n'est pas doté de raison, il n'est pas capable de se taire et d'écouter, il n'est pas capable, en gros, il n'a pas les attitudes qu'on attend d'un adulte rationnel, raisonnable, dans nos sociétés bien élevées, polies et compagnie, on se dit « bah il est con ». Mais non, un enfant, il est très intelligent. C'est une page blanche sur laquelle tout est à écrire. Tout est possible, en fait, dans l'esprit d'un enfant. Donc, au contraire, il n'est pas con du tout. Il est en train de réfléchir à 200 à l'heure et c'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup dormir, de beaucoup manger, etc., etc. Donc vraiment, ne sous-estimez pas les capacités de compréhension de vos enfants. Mais vraiment, ça, c'est un conseil absolu qu'on peut donner en tant que parent et en tant que, du coup, professeur des écoles et compagnie. Il y a un point, moi, que je voulais aborder quand vous nous avez proposé de faire ce podcast. Voilà, du coup, je vais saisir l'occasion. Pour pouvoir expliquer ce dont je voulais parler, je vais d'abord parler, en fait, de mon cursus en philo. Moi, à la base, je suis fan d'un philosophe qui s'appelle Quine, et notamment d'un concept qu'il a qui s'appelle l'indétermination de la traduction. Pour faire court, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas le même langage que vous. Quand il dit « gavagaille » en montrant un lapin, vous ne pouvez pas être sûr qu'il parle du lapin, des oreilles du lapin, du fait qu'il y a un contexte de lapin autour de lui. Enfin bref, c'est indéterminé. Donc globalement... Alors, il veut juste dire que vous avez tous perdu au jeu, par exemple. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, on va se construire une communication comme ça, mais tout en ayant une partie d'indéterminé. Et moi, je trouve que c'est un concept, cette indétermination de la traduction, qui va très bien avec la transmission. J'appellerais ça, du coup, moi, l'indétermination de la transmission. Quel que soit ce qu'on transmet, c'est très vrai pour le jeu, on ne peut jamais être sûr que le jeu est totalement compris. Que même quel que soit ce que tu as voulu écrire, par exemple, dans ton jeu de rôle, en fait, tu ne pourras jamais savoir, quel que soit le nombre de gens à qui tu l'auras fait lire, etc., tu ne pourras jamais être sûr qu'en fait, le jeu, il n'y aura pas cette part d'indétermination dans la transmission qui fera qu'en fait, il y aura des choses qui n'auront pas été comprises ou des choses qui ne seront pas bien faites. Et c'est un truc qu'il faut apprendre à accepter, en fait, notamment quand tu bosses dans le jeu, je pense. Et quand tu bosses, en fait, dans le fait de transmettre des choses. Et quand tu es avec ton gamin, bah, c'est encore plus vrai. Parce qu'en fait, quel que soit ce que tu vas lui transmettre et tout, quel que soit en fait ce qu'il voudra remettre en cause, tu ne pourras jamais empêcher qu'il y ait une partie en fait de ce que tu essaieras de transmettre qui soit indéterminée pour lui, notamment parce qu'il n'a pas le même univers que toi, parce qu'il n'a pas la même histoire que toi, et que du coup il va y avoir des choses en fait qu'il ne comprendra pas. Encore aujourd'hui, quand je discute avec ma mère, il y a des choses où je me rends compte qu'en fait j'avais pas compris ce qu'elle me disait quand j'étais petite. Et ça, quel que soit en fait de ce que tu fais dans la vie, quand tu es amené à transmettre quelque chose, je pense qu'il faudrait toujours garder ça en tête, parce que déjà, ça t'amène de la bienveillance. Parce que tu te dis, bah, peut-être il ne comprendra pas, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Et puis, accepter les retours. Et puis aussi, ça amène un aller-retour dont je parlais tout à l'heure. Cette communication qui fait que, du coup, une transmission, c'est jamais du haut vers le bas, mais ça va d'un aller-retour, en fait, parce que tu ne pourras limiter cette indétermination qu'en ayant un rapport avec la personne à qui tu transmets. Un rapport long, sur le long terme. Et du coup, en fait, ça rend le fait d'avoir des jeux encore plus compliqué, parce qu'en fait, quand c'est notamment des jeux écrits, tu ne peux pas avoir cet aller-retour avec la personne qui a écrit ce livre. C'est d'autant plus compliqué, du coup. Alors qu'avec ton enfant, en fait, je pense que ce qui va faire la différence entre une bonne relation par enfant et une relation par enfant moins bonne, c'est le fait d'avoir conscience de cette indétermination. Et du coup, de tout faire pour essayer d'établir cette communication qui va faire que tu vas pouvoir t'en éloigner et éviter, du coup, au-delà même des malentendus, le fait que ton enfant, il n'ait pas compris gavagaille, quoi. On ne saura jamais vraiment si tu as voulu dire les oreilles de lapin ou pas, mais au moins, tu pourrais essayer de lui faire comprendre ce que c'était. Je peux donner un exemple un peu concret pour bien comprendre ce qu'est en train de dire Flyla, cette histoire de gavagaille. Par exemple, au départ, avec Soren, on avait ce rituel de « on se fait un petit Mario ». Et donc... il venait, donc je m'asseyais sur le canapé, je lui montrais comment on jouait aux jeux vidéo, etc. Et donc je lui donnais la manette, etc. Et donc du coup, moi je lui montrais Mario. On se fait un petit Mario. Sauf que la fois où je lui montre Megaman, il me dit « Ah ben on se fait un petit Mario, papa !» Parce que pour lui, l'activité qu'on était en train de faire, c'était pas jouer à Mario. Alors que moi, c'est ça que je voulais lui transmettre. Non, non, c'était d'être avec son papa, à faire des câlins, à toucher une manette qui apparemment faisait se scintiller des trucs. Après, je lui dis, ah non, là, on se fait un petit Megaman. Ah ok, donc il y a les câlins Megaman, il y a les câlins Mario, tac, tac. Et en fait, au fur et à mesure, il a fini par comprendre que je parlais des choses qui s'animaient à l'écran, qu'il y avait Megaman, que c'était le héros du jeu, qu'il y avait, etc. Et donc, en fait, progressivement, en apprenant à faire des activités ensemble, on apprend la signification des concepts qu'on emploie. C'est ça l'indétermination de la traduction et l'indétermination de la transmission. Donc c'est sur le long terme, à force de faire des activités ensemble, qu'on finit par comprendre ce que les gens entendent vraiment par aller se boire une petite bière entre potes ou manger une pizza en jouant à Dédé. Et je pense que pour les enfants, c'est encore plus présent parce que les enfants ont une capacité à tout ritualiser. C'est-à-dire, c'est vrai dans mes classes, mais c'est vrai avec mes enfants. Si je fais un truc une fois, pourquoi on le refait pas le lendemain, quoi ? C'est pour eux, le rituel, c'est hyper important. En plus, c'est un truc qui... Les enfants, c'est des enfants qui sont toujours dans l'angoisse, en fait, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ne contrôlent pas du tout ce qu'il y a autour d'eux, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils ne comprennent pas. La ritualisation, c'est un truc qui est rassurant. Et dans la transmission d'un jeu, etc., moi, à un moment, on jouait pas mal à un jeu de société qui était... Ah, je ne vais pas me rappeler du nom, celui où tu as une carte au milieu et tu retournes des... Jungle Speed ? Non, où tu retournes des cartes et il faut retrouver les dessins de tes cartes au milieu. Ah oui, non, ça, je n'ai pas le nom. Ah, bon, tant pis, je vous le... Et en fait, un jour, je lui avais autorisé, parce qu'il avait une carte qu'il adorait, à prendre une carte. Et pour lui, c'est devenu un rituel, ça. Ah non, je ne commence pas le jeu sans la carte. Puis c'est devenu de plus en plus rituel. Je veux d'autres cartes, je veux d'autres cartes. Puis à un moment, je lui dis, bah non, parce qu'en fait, là, tu vois, tu as tes 6 cartes, donc tu fais toujours la même partie. Donc, et lui, en fait, il a eu du mal à comprendre qu'en fait, c'était une erreur de ma part, qu'en fait, c'était pas ça le jeu. C'était un truc gentil que je faisais, donc j'étais obligée d'être un peu claire en disant c'est pas ça les règles du jeu, parce que du coup la ritualisation, elle arrive très très vite, et du coup les problèmes de transmission peuvent s'installer d'autant plus si on fait pas attention. Ça, c'est marrant, le fait que les enfants, quand ils font une activité, par exemple un petit Mario, on se fait le niveau 1, ils veulent refaire le même truc, tu vois. Ça c'est vraiment bizarre. Ils voulaient les mêmes cartes parce qu'ils voulaient revivre, en fait ça lui avait vraiment plu la première fois qu'il avait joué. Il voulait presque revivre exactement, tu vois, le truc, à tel point qu'il voulait refaire la même partie. C'est tu vois, alors, transmettre le jeu, c'est aussi dire, bah non, il y a des parties qui sont différentes, des cartes différentes, et on va s'amuser tout autant. Enfin, c'est très compliqué pour les enfants. C'est une des premières frustrations que j'ai vues moi-même quand je commençais mon métier, parce que j'ai beaucoup bossé en maternelle, de les faire accepter la nouveauté. Ah bah non, maîtresse, on va refaire le jeu qu'on connaît. Non, je vous en ai amené un autre, parce que la nouveauté va de pair aussi avec le fait de ne pas pouvoir forcément réussir. L'enfant aime être en réussite. Du coup, quand tu veux transmettre à un enfant, il faut aussi lui transmettre le fait que jouer et vivre, c'est pas toujours être en réussite. Il faut aussi apprendre à faire des erreurs pour pouvoir grandir et pour pouvoir apprendre. Et ça, pour un enfant, c'est très compliqué, parce que accepter d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est accepter au départ de ne pas forcément réussir. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour des enfants. C'est aussi pour ça que c'est très important de jouer avec eux, parce que c'est un truc qui va leur apprendre plus tard, quand ils vont arriver en CE1 et tout. Ouais, tu sauras peut-être pas forcément au début ce que c'est, par exemple, les pronoms personnels. Mais t'inquiète pas, au début, tu vas galérer, puis ensuite, ça va rentrer. Et ça, je pense que c'est un truc que tu peux faire acquérir à ton enfant très facilement en jouant avec lui. Au début, ouais, tu vas galérer, tu vas faire tomber Mario sans arrêt dans le ravin. Ouais, quand tu vas faire des jets, en fait, ça va pas être le bon côté du dé. Ouais, t'as pas réussi à trouver ta carte sur l'autre carte, t'as pas réussi à retrouver le dessin. C'est pas grave, tu réussiras mieux la prochaine fois. Plus on essaye, plus on réussit. Mais enfin, en tout cas, ouais. Enfin, si tu veux poser des questions, parce que nous on est en roue libre là, on va partir loin. Hein. Si tu nous laisses là, moi j'allais embrayer sur un autre truc. Alors c'est vrai qu'on pourrait continuer longtemps comme ouais. Ça, mais là on va arriver à la fin de l'épisode. Ah non, donc il est l'heure de la question finale. La même question qu'on pose à tout le monde, mais là je pense qu'elle est particulièrement appropriée, puisque cette année la question c'est quelle est votre première expérience de jeu ? Moi je m'en rappelle pas, mais il faut savoir que je suis née avec un jumeau. Et a priori, ma première expérience... Révélation, il est dans la maison. Alors, je peux te parler de ma première expérience de jeu consciente. On est des jumeaux, on est dans une poussette face à face. Et quand ma mère avait le dos tourné, en fait, on jouait avec les pieds. À se donner les pieds, c'était au premier qui arrivait à toucher l'autre qui avait gagné. Donc ça donnait des trucs de fou. C'est ma première expérience de jeu consciente. Ensuite, je pense qu'il y en a eu d'autres, y compris dans le ventre, mais non, je ne m'en souviens plus. Moi, c'est les petites voitures. Ça, c'est clair. Je me souviens de jouer, un de mes premiers souvenirs conscients tout court, de jouer avec une espèce de poste. Vous savez, ces espèces de jeux, comment on appelle ça, les garages, les parkings, là où t'as des sillons en fait de route déjà tracés. Tu fais passer des petites voitures majorettes. Hein, à l'époque, c'était France. Et donc, du coup, c'est con, putain. C'était français, n'est-ce pas ? Et donc voilà. Et donc... Oh, t'es con. Et donc, on savait fabriquer des jouets. Bon, bref. Non, arrachez le micro. Donc voilà, tout ça pour dire que je me souviens très bien de jouer comme ça avec cette petite voiture. Mais est-ce que ça, c'est plutôt du jouet, tu vois ? Et si on veut parler de jeu maintenant, je me souviens que le premier jeu qui m'a vraiment. J'hésite parce qu'il y en a deux. Il y a la bonne paye. ou le Monopoly, les jeux comme ça, c'est où tu Hôtel, je crois Hôtel, La Bonne Paye, le Monopoly, je saurais pas dire lequel de ces trois jeux de société, mais c'est l'un des trois où il y avait des pognons et puis on devait foutre sur la paille les autres, quoi. Seulement moi j'étais trop gamin, donc moi j'étais celui qu'on mettait sur la paille, tu vois. J'ai appris très vite à être un travailleur social, à vivre du RSA, c'est-à-dire qu'à la fin mes frères, mais attends, mais à la fin ils me donnaient de l'argent, tu vois, parce qu'ils avaient encore envie de me piller, tu vois. C'était vraiment, tu vois, c'était des vrais capitalistes, parce qu'à la fin ils filaient le revenu universel pour pouvoir continuer à jouer, tu vois, tout seul. Enfin bref, j'ai cette expérience là et la deuxième troisième expérience, on va dire là, approchant du jeu de rôle et compagnie, on avait des petits pistolets en plastique et il y avait quelqu'un qui avait improvisé un magasin avec les armes, avec les billets qu'ils avaient sortis du Monopoly justement, et on devait acheter nos armes, on devait tuer mes cousins qui étaient sur la propriété et on devait récupérer le pognon qu'il y avait sur eux. Quand on tuait quelqu'un, on pouvait récupérer le pognon pour aller acheter des guns plus gros pour tuer des cousins plus gros. Et, alors, et ça, je me souviens de ce jeu. C'était un jeu qu'on avait fait pendant le mariage d'un des membres de ma famille. Et je me souviens que ce jeu, ça m'a marqué. Je me suis dit, ça, c'est ma vie, ça. Je veux tuer des cousins pour obtenir de l'argent. Et... Mais tu vois, il y a la dimension killer, GN. Il y avait déjà tout ce que... En fait, il y avait tout ce que j'aimais là-dedans. On était à la baroude, on se cachait sous les arbres avec notre pognon et tout, en mode « Putain, faut pas qu'on me pique mon pognon !» Et ouais, j'étais ultra heureux. C'est rigolo parce que moi, du coup, mon autre expérience, c'est les Mystères de Pékin. Ah, les Mystères de Pékin, déjà, la pub, elle était ouf. T'étais à Pékin, il y avait un mystère, c'était fou. Et quand on y a joué avec mon frère, on était un peu déçus parce qu'il y avait pas le... On n'était pas les personnages, donc on avait... Alors qu'on n'y connaissait rien, la Chine et tout, donc évidemment, ça... je pense qu'aujourd'hui, ce serait un ramassis stéréotype et tout, mais à l'époque, on avait du coup joué à ça en mode... en mode, genre, on est des inspecteurs chinois, mais bon, on était jeunes, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, juste un truc sur la transmission, moi, que j'avais envie de dire, parce que toi aussi, t'as dit un truc que t'avais envie de dire. Moi, j'ai pas dit un truc que j'avais envie de dire, mais je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est juste pour rappeler que avoir des enfants, c'est revoir le monde à nouveau. C'est se redonner un nouveau point de vue sur le monde. C'est... redonner au monde avoir un nouveau regard sur les choses. Et ça, il faut être joueur pour avoir envie de remettre les choses en jeu. Avoir un enfant, c'est tout remettre en jeu. C'est, j'ai un copain, Brice Roy, qui dit souvent que la philosophie, c'est toujours c'est un jeu, c'est le premier des jeux, parce que c'est le jeu de celui qui remet justement en jeu, qui va bousculer les choses qui sont déjà établies. Ben ça, si vous êtes joueur, eh ben, un gamin, ça, c'est un vrai jeu qui a de l'enjeu. Ça, c'est un truc qu'en vaut la peine. Faites des enfants. Si vous êtes joueur, faites des enfants, parce que là, c'est un jeu très difficile, très compliqué, qui vous amène à repenser toutes vos préconceptions, à tout remettre en jeu. Ça, c'est vraiment difficile. Donc voilà, vous êtes joueur. Ça, c'est un vrai jeu. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs autour de nous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs autour de nous qui ne veulent pas d'enfants. Parce que justement, ils ont peur. Je t'ai vu, dans la question que tu posais à Adrien au début, j'ai cru sentir le Adrien qui est un peu en train de regarder « Est-ce que je veux un enfant ou pas ?» Je commence à avoir l'âge de me poser des questions. Mais en même temps, j'aime bien jouer. J'aime bien mon petit confort devant l'écran, là, jouer aux jeux vidéo pendant trois plombes. Et un enfant, ben, ça va peut-être me priver de temps de jeu aussi, de temps de loisirs, de temps récréatif. Et en fait, derrière la question, tu vois, enfin derrière cette question, j'ai senti aussi ça, tu vois, l'idée, est-ce que ça vous empêche pas de jouer, genre un peu la crainte, est-ce que si moi un jour j'ai un enfant, ça m'empêchera de pouvoir, mais en fait un enfant, mais c'est un putain d'enjeu, c'est un putain de défi, c'est un truc de ouf, quoi. Et ça va te permettre de rejouer à des tas de jeux, de réenchanter le monde, de revoir des choses que tu as déjà vues avec un regard neuf, etc., etc. C'est extraordinaire d'avoir des enfants. Parce qu'on parle toujours des enfants sous l'aspect contrainte, mais on ne parle jamais des côtés positifs des enfants. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça, c'est un mal français. c'est le côté, on préfère parler de la merde. Non, mais c'est vrai. On préfère dire, ton patron, il t'a bouffé les couilles, comme d'habitude. Tu vois, on préfère échanger des trucs qui, sur des trucs qui vont pas, alors que c'est difficile de dire que dans le regard de son enfant, on voit toute la beauté du monde et compagnie. Parce on passe pour quelqu'un de cucu peu. Oui, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, quand il m'a regardé, je me suis senti fondre. Tu vas pas parler de ça. Je l'aime, mon enfant, c'est mon tout doux, mon petit. Et on passe pour un con quand on dit ça, parce qu'en France, on passe pour un con quand on dit qu'on aime, tout simplement, qu'on est amoureux. Qu'on etc. Oh, t'es amoureux, comme c'est mignon. On a envie de se foutre. Mais en réalité, c'est ça aussi que ça apporte. Et voilà. Et tout ça pour dire que ça réenchante le monde. Alors, n'hésitez pas. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer ce podcast. Et effectivement, faire des enfants, pourquoi pas. C'est trop court, l'idéologie, ça dure qu'une heure, là. Ouais, une heure environ. On essaie, Allez sur la cellule, quoi. C'est des vrais podcasts, quoi, qui durent 3h30. Blague à part, merci de nous avoir invités. Mais merci super, beaucoup, Romaric. Merci beaucoup. Manuel, t'aurais dû être là. Ouais, par contre, Manu, tu me manques. En plus, il a piqué la place. Parce que vous pouvez être que deux de l'udologie. Non, ça vous arrive parfois d'être plus quand parfois même. Parfois, on est plus. Au-dessus de deux de l'udologie dans une salle, on explose en fait. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, c'est pour protéger le monde en fait, si il se passe quelque protéger chose vos au enfants. Niveau atomique. C'est ça. On essaye de faire durer ce podcast. On fait c'est ce qu'on ça. Peut. J'essaye. Ils n'auront pas de plan. Merci de nous avoir invités. Non, mais c'était assez intéressant. Et puis effectivement, les enfants, en tout cas le jeu de parents, peut-être le jeu de rôle ultime. Oui, encore, bah voilà, en espérant en tout cas que ce soit un jeu choisi. Ah, c'est sûr. Ça, c'est aussi une autre problématique. Mais c'est au-delà de nos compétences et nous allons nous arrêter là avant que ma voix décède. Merci à toutes et à tous encore pour votre participation. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Alors, je ne sais plus sur quel sujet, mais on aura sans doute des choses très, très bien. Si on arrive sur les paires de Noël, nous vous souhaitons évidemment de joyeuses fêtes et une excellente année 2019. Si on est du côté de Pâques, on vous souhaite aussi une joyeuse Pâques. Si c'est l'été, joyeuse été. Noël. Alors ça, Noël, on peut en parler avec les enfants. Alors ça, c'est très intéressant. Les jeux à Noël avec les enfants. Des jeux français.